jamais j'abandonne mon âme. Car tu es le seul qui connaît les désirs profonds de mon cœur. Et le miel, Seigneur, sans demeure.